son truc, c'est d'aider les gens. Ça doit pas être évident de les entendre déballer leur âme à longueur de journée. Élégante et toujours soignée, avec de très beaux décolletés. Je sais pas si ça peut aider tous ces patients déprimés. Elle y va pourtant chaque matin, son agenda dans la main, toujours avec le sourire. Ça aide à supporter le pire. Elle est psy, je vais aller consulter. Elle est psy, m'étendre sur son canapé. Elle est psy, lui dire que ma vie est compliquée depuis que je l'ai rencontrée. Je pense qu'il faut du courage pour aller oser raconter parfois même des histoires de cul à une parfaite inconnue. Comment va-t-elle réagir si je me mets à rougir, lui avouant mes fantasmes avec autant d'enthousiasme? Je dois pourtant le lui dire, le garder ce serait pire. Que va-t-elle bien pouvoir penser? Sûrement que je suis cinglé. Elle est psy, je vais aller consulter. Elle est psy, m'étendre sur son canapé. Elle est psy, lui dire que ma vie est compliquée depuis que je l'ai rencontrée. Est-ce qu'elle va me faire une ordonnance, médicaments en abondance, qui arriveront à soigner mon envie de l'embrasser? Ce qui serait un enfer, c'est qu'elle prenne ça pour un transfert, alors que je suis venu là pour qu'elle finisse dans mes bras. Allez, c'est l'heure, elle va partir. Je dois me lever et lui dire que je la trouve très en beauté et l'inviter à dîner. Elle est psy, je vais aller consulter. Elle est psy, m'étendre sur son canapé. Elle est psy, lui dire que ma vie est compliquée depuis que je l'ai rencontrée. Canapé, elle est psy, lui dire que ma vie est compliquée depuis que je l'ai rencontrée. Je vais aller consulter, m'étendre sur son canapé, lui dire que ma vie est compliquée.